Aujourd'hui, je veux vivre. Tu donnes un sens à ma vie, mon ciel bleu, mon éclairci. De tes yeux et de ton sourire, je suis ivre. Je ne t'attendais pas, Tito. J'avais rangé ma liste de cadeaux tout au fond de ma matière grise. Je rêvais à un jour nouveau où je toucherais ta peau, comme mon espoir faisait ses valises. Mais un matin, oui, au petit jour, j'en ai eu le souffle court. Tu as été la plus belle des surprises. Tu es le fruit de l'amour, celui qu'on récolte toujours après nos gourmandises. Tu es mon souffle de vie, moi le gardien de tes nuits. Je sais pour qui aujourd'hui je veux vivre. Tu donnes un sens à ma vie, mon ciel bleu, mon éclairci. De tes yeux et de ton sourire, je suis ivre. Tu es mon souffle de vie, pour qui l'amour n'a pas de prix. Si loin de toi je pars à la dérive. La famille que j'ai choisie, indélébile à l'infini. Ce doux parfum de folie qui m'enivre. Je regrette mes erreurs, je n'ai pas été à la hauteur. On en a traversé des orages, des coups bas, des maux, des rancœurs, nos pressions et nos humeurs. Aujourd'hui je promets d'être sage. Tu me remplis de bonheur, tu as fait rebattre mon cœur. Tu l'as pris à l'abordage. C'est ma vie, oui, mon pacemaker. Près de toi s'arrêtent les heures, tu les prends même en otage. Tu sais, le temps est si court que la mort nous prend au détour du chemin et puis nous emmène. Aimons-nous comme au premier jour, donnant toutes nos preuves d'amour, effaçant nos peines et nos haines. Tu es mon souffle de vie, moi le gardien de tes nuits. Je sais pour qui aujourd'hui je veux vivre. Tu donnes un sens à ma vie, mon ciel bleu, mon éclairci. De tes yeux et de ton sourire, je suis ivre. Tu es mon souffle de vie, pour qui l'amour n'a pas de prix. Si loin de toi je pars à la dérive. La famille que j'ai choisie, indélébile à l'infini. Ce doux parfum de folie qui m'enivre. Tu es mon souffle de vie. Tu donnes un sens à ma vie. Tu es mon souffle de vie, moi le gardien de tes nuits. Je sais pour qui aujourd'hui je veux vivre. Tu donnes un sens à ma vie, mon ciel bleu, mon éclairci. De tes yeux et de ton sourire, je suis ivre. Tu es mon souffle de vie, pour qui l'amour n'a pas de prix. Si loin de toi je pars à la dérive. La famille que j'ai choisie, indélébile à l'infini. Ce doux parfum de folie qui m'enivre.